je vous trouve, merveilleuse dame. Je vous demandais à tout le monde. Serviteur, cher beau-père, ou peu s'en faut. Serviteur. Adieu, mes enfants, je vous laisse ensemble. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant que de vous marier. Je ferais bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Peu d'impatience, adieu.